Parfois je me demande, mais qui est Dieu? Mais où est Dieu? As-tu cette réponse? Peux-tu me dire qui donc est Dieu? Tu me diras que fait donc Dieu? Mais quand meurt Dieu? As-tu cette réponse? Peux-tu me dire qui a fait Dieu? Accueille-les, lui qui est Dieu. Alors ouvre-moi.